Dieu. Dieu est mort. Un homme lit sur un mur du métro à Paris. Dieu est mort. Signé Nietzsche. Après 2 semaines, l'homme lit en dessous de la citation. Nietzsche est mort. Signé Dieu.